Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Bauhaus, quand une école fait école. C'est un phénomène fascinant qu'une toute petite école dans une ville de province en Allemagne, Weimar, au début, c'est-à-dire en 1919, est devenue, si vous voulez, la source d'inspiration dans notre siècle pour le design, pour l'architecture. Reinhard Klatt, directeur de l'Institut Goethe de Montréal dans les années 80, l'émission Les Belles Heures en octobre 1985. Plus qu'une simple école, le Bauhaus va vite se transformer en école de pensée. Véritable révolution dans la manière d'enseigner les arts, courant majeur de la création au 20e siècle, le Bauhaus finira même, pour certains, par constituer un style à part entière. En 1919, Walter Gropius, architecte allemand, fonde à Weimar le Bauhaus. Cette école d'un genre nouveau, qui s'installera un temps à Dessau et qui mourra à Berlin en 1933 des conséquences de la montée du nazisme, a révolutionné notre manière de créer et d'habiter jusqu'à aujourd'hui. Cette femme dans son salon à la fin des années 20 est Bauhaus. Elle rend compte de la volonté de l'école de construire un art pour tous. Pratique, fruit de collaboration entre art, artisanat et industrie. Au Bauhaus, l'enseignement commence par désapprendre, avant de se former de manière théorique et pratique. Révolutionnaire pour l'époque. À la couleur, aux matériaux, en passant par tout un tas d'ateliers, métal, verre, textile ou peinture murale, pour converger vers le design et l'architecture, en bref, édifier un monde nouveau. Quand les nazis sifflent la fin de la récré, l'école s'autodissout. Mais avec ses différents membres en exil, le Bauhaus et son esprit vont continuer à se diffuser et se développer. Extrait de l'émission Gymnastique de la chaîne Arte qui présentait en août 2019 une capsule consacrée au mouvement Bauhaus à l'occasion du 100e anniversaire de la création de l'école du Bauhaus, une école fondée par Walter Gropius en 1919. Pour nous parler de cette école du Bauhaus, de son importance dans l'histoire de l'art, je reçois Christina Contandriopoulos, qui est professeure au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Christina Contandriopoulos, bonjour. Bonjour, merci de me savoir. C'est un plaisir. Qu'est-ce que c'est au final, le Bauhaus? Plutôt une école, plutôt un style? Bien, déjà le mot Bauhaus. Bau, c'est construire ou la construction, et Haus, maison. C'est donc la maison de la construction. Et c'est une école plutôt qu'un style, je trancherais. C'est-à-dire qu'une école, c'est à la fois un lieu qui va changer de place. C'est une vraie école là, où on enseigne les arts, le design, l'architecture, à Weimar, puis Dessau, puis Berlin. Mais c'est aussi une école de pensée, avec des professeurs, une philosophie. On pourrait parler d'une culture Bauhaus. Et je résiste à la notion de style parce que les professeurs, les étudiants aussi du Bauhaus, la refusaient catégoriquement. Ils disaient « il n'y a pas de mode Bauhaus, il n'y a pas de style Bauhaus ». Parce qu'ils souhaitaient une approche fonctionnaliste. Oui. C'est-à-dire, ils évitaient même l'idée de style. Ils disaient que les objets Bauhaus répondaient de façon directe, objective, à des besoins précis de la vie moderne. Et que chacun, en fait, chaque créateur apporte, là où il n'y a pas de style non plus, dites-vous, c'est que c'est une manière, c'est un état d'esprit, mais chacun y apporte sa couleur, finalement. Aussi, tout à fait, oui. Cela dit, même s'ils résistaient au style, quand on pense à des maisons blanches avec des fenêtres en bandeaux, des garde-corps chromés ou des objets industriels, on va parler d'une esthétique Bauhaus. Ouais. Quelle importance ça a, cette école, cette école de pensée, ce mouvement dans l'art au 20e siècle? Alors, ça a une importance considérable. C'est l'école qui va marquer le début du modernisme autour de son fondateur, Walter Gropius. Gropius va s'entourer des plus grands artistes de l'avant-garde européenne, comme Paul Klee, Vassili Kandinsky, et puis aussi des artistes en art visuel, des architectes, des techniciens, mais aussi des scientifiques. Et tous ces gens vont collaborer dans une vision vraiment participative à l'émergence d'un monde nouveau. Donc, on peut presque associer Bauhaus avec modernisme. Et donc, les gens qui y sont déjà sont de grosses pointures, donc ça participe de l'importance du mouvement. Dans quel contexte naît cette fameuse école du Bauhaus en 1919? Alors, l'école du Bauhaus naît dans le contexte de l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, Walter Gropius, donc son fondateur, lui-même était officier et il était au front durant la guerre. Et il a dit qu'il a eu l'idée du Bauhaus comme un éclair. En fait, pendant la guerre, il se rencontre avec ses contemporains du fait que l'industrie a produit des objets, des machines qui servent la destruction massive. On pense aux mitrailleuses Vickers ou aux canons modernes. Et lui se dit, en fait, il faut mettre l'industrie au service non plus de la guerre, mais de la vie. Et tout le projet émerge de cela. C'est-à-dire comment faire de l'industrie un outil qui peut servir à la vie moderne, à avoir une vie qui soit plus fonctionnelle, plus confortable, des logements plus hygiéniques, etc. Parlez-nous un peu de lui. Il est donc, il a cette idée de génie alors qu'il est au front, mais c'est plus que ça. Walter Gropius, il en est où? Qui est-il? Et où en est-il dans son parcours, dans sa carrière en 1919? Alors, Gropius est un architecte allemand. Hein. Il est déjà reconnu quand la guerre commence, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec Peter Behrens, qui est un grand architecte, qui sera d'ailleurs aussi le maître de Corbusier, de Mies van der Rohe, qui, avec Gropius, forment les trois pères du modernisme. C'est du moins comme ça qu'on les appelle. Et ensuite, à partir de 1910, Gropius a joint une association très importante qui est l'ancêtre du Bauhaus, qui est le Werkbund, qui est une alliance qui a été mise en place par le gouvernement allemand, une alliance entre des artistes et des industries. Et au sein du Werkbund, il a donc réalisé un bâtiment qu'il fera connaître et qu'il rendra célèbre, qui est l'usine Fagus, qui est une usine de chaussures, dans laquelle il va utiliser un des premiers exemples de mur rideau, donc ce système très moderne pour avoir une façade entièrement vitrée, qu'il fait en collaboration avec un architecte qui s'appelle Adolf Meyer. Et voilà, donc il a déjà une réputation assez bien établie. Et il est aussi réputé comme enseignant. Après la guerre, on lui demandera de former une école et de résoudre le problème de la distinction entre art décoratif et beaux-arts. Oui. Puis lui va plaider, en fait, puis on y reviendra dans un instant, pour la pluridisciplinarité, fini la hiérarchie entre les arts majeurs, les arts mineurs. Ça, c'est important dans l'école du Bauhaus. Un petit mot encore sur cette période précise, quand même. C'est donc cette commande, il l'a à la suite de la Première Guerre mondiale. C'est la période de l'entre-deux-guerres. Et en Allemagne, cette période-là, c'est la période de la République de Weimar. Ça, c'est important. L'école va durer, au fond, le temps de cette République de Weimar qui se termine avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Absolument, de 1919 à 1933. Donc 14 ans qui correspondent tout à fait avec l'effervescence. Oui, alors la République de Weimar a aussi une place très importante dans l'histoire du droit des femmes, puisqu'en 1919, elles accèdent au sein de cette démocratie parlementaire pour la première fois au droit de vote. C'est une période où les femmes aussi, il y a tout un renouvellement de l'image de la femme avec la neue Frau, la nouvelle femme, qui est médiatisée par des figures célèbres comme Marlène Dietrich au cinéma. C'est les années du cinéma, extrêmement populaire en Allemagne. Et puis, les femmes ont des allures androgynes, elles portent les cheveux courts, portent des pantalons. Les femmes font du vélo, c'est les années aussi de la bicyclette. Donc, il y a une espèce de dynamisme, une effervescence qui vont inspirer aussi Bauhaus dans sa volonté de créer un monde nouveau à partir de cette école. Ouais. Cette école, donc, elle sera importante. C'est une école qui revoit la manière d'enseigner. C'est aussi une philosophie, une manière de voir le monde, une manière de voir les arts, une école de pensée. Au fond, je le disais au tout début de l'émission, une philosophie particulière avec quelques grands principes. On écoute le chroniqueur Pierre Lapalme parler de cette vision-là, cette vision idéologique sur laquelle repose le Bauhaus à l'émission Radar en 1991. Ce Bauhaus, c'est en même temps une école et c'est en même temps un lieu de travail. Ça relève tout à fait d'une vision, naïve, politique naïve, que l'on a pendant toutes les années 20 en Allemagne, qui est au fond l'idée suivante. C'est que dans la société, la classe la plus progressiste, la plus avancée, c'est la classe ouvrière. C'est elle qui fait la promotion des valeurs sociales, égalitaires, etc. Par conséquent, il faut créer un art de masse, c'est-à-dire un art qui rejoigne cette classe ouvrière et non pas l'art élitiste qu'on a connu jusque-là dans les sociétés bourgeoises. Mais vous ne parlez pas seulement d'art en fonction d'art visuel. Dans tous les domaines. C'était le problème en théâtre, c'était le problème aussi en musique. On en parlera. En architecture. Évidemment, en architecture et en design, parce qu'au fond, l'idée de Gropius est la suivante, c'est que pour que l'art se généralise, il ne faut pas qu'il coûte cher, il faut le faire en série, d'où l'idée que le Bauhaus est une école, mais en même temps un atelier, et un atelier de design. Mmh. Et le design, pour qu'il soit pas cher, il faut qu'il soit manufacturé. C'est évident que pour Walter Gropius, il y a la confiance dans la machine. Alors, comment résumer cette manière, Bauhaus, de concevoir le monde de l'art, Christina Contandriopoulos? Oui, alors ça va être en effet une alliance dès le départ entre le Bauhaus et la première école qui aura comme projet d'enseigner le design et l'architecture pour répondre à des besoins industriels. Ce sera donc la grande mission, hein, comment créer des objets qui répondent à ce besoin et pour plaire à un public de masse. Il y a des réflexions très intéressantes, importantes sur, par exemple, la standardisation. Puisque ça amène la question de savoir comment plaire à tous. Qu'est-ce qu'un standard? Donc, il y a avec une esthétique qui serait plus objective ou qui se fait un peu neutre dans la réalisation des objets, oui. Objet fonctionnel, évidemment. Le design doit... C'est pas seulement de la beauté, mais ça aussi, ça fait partie des préoccupations du Bauhaus. Puis même, si on étend un peu, parce qu'il y aura toute une réflexion, autant on veut produire un art qui soit accessible à tous, qui soit pas trop cher, qui passe donc par un procédé manufacturier, autant sur le logement, par exemple, il y aura toute une réflexion. Logement pour tous, logement social, ça fait aussi partie de la philosophie Bauhaus, non? Oui, tout à fait. Les logements, donc il y a des logements pilotes qui sont créés. On pense à la Maison des Maîtres, qui sont créé par Gropius, qui s'entoure d'une équipe avec en particulier sa femme Issé Gropius, qui va, elle, s'atteler à faire une conception d'une cuisine moderne. Une cuisine, alors elle fera des expériences qui seront reprises plus tard par une autre femme designer qui s'appelle Margaret Schutley-Hotsky, qui va développer la cuisine de Francfort. Et on pense à la cuisine comme à une petite industrie, avec un travail qui est beaucoup plus fonctionnel, un espace restreint, des comptoirs qui seront en métal, qui peuvent être lavés facilement. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qui se fera dans cette école-atelier. Revenons justement à la révolution de l'enseignement qu'on verra dans cette école du Bauhaus. Que se passe-t-il donc dans cette école-là? Qu'est-ce qu'on y produit? Extrait d'un reportage présenté à la chaîne Arte le 9 septembre 2019, au moment de la tenue d'une exposition sur le centenaire du mouvement Bauhaus. Les théières de Marianne Brandt, des pièces uniques. La chaise en tube d'acier de Marcel Breuer, reproduite et copiée à l'envi. Le prototype du placard pour célibataire de Joseph Paul, qui semble tout droit issu d'une usine moderne. L'exposition du centenaire montre des objets représentatifs du Bauhaus, un mouvement réputé pour son héritage architectural, mais aussi pour ses objets bien conçus. Mais le message principal, c'est que le Bauhaus, au-delà d'une usine de design, était avant tout une école d'art. L'exposition donne ainsi à voir de nombreux travaux réalisés par des étudiants qui apportent un éclairage sur les enseignants et leurs méthodes pédagogiques. Il ne faut pas oublier que ces objets, devenus des icônes, ont presque tous été réalisés par des étudiants dès leur première année, donc par des débutants, et non par des élèves confirmés et diplômés. Le Bauhaus Archive, notre collection, qui est aussi la plus grande à l'échelle mondiale sur le Bauhaus, est une collection étrange puisqu'elle est également composée de travaux d'élèves. Alors, comment fonctionne cette école du Bauhaus, Christina Contandriopoulos? En quoi l'enseignement des arts dans cette école est-il si différent de ce qui se faisait dans les écoles de beaux-arts, par exemple, traditionnellement? Tout à fait. À mon avis, c'est le legs le plus important du Bauhaus, c'est ce modèle pédagogique. Alors, déjà, Gropius a imaginé un modèle dans lequel il veut former non pas des artistes, mais des artisans. C'est l'idée d'unir artistes et artisans, mais il dit, en fait, l'artiste, on ne peut pas former le génie créateur, on peut former des artisans. Il souhaite aussi redonner à la jeunesse allemande une possibilité de trouver du travail. Donc, ce n'est pas en copiant des modèles canoniques comme ça se fait dans les académies des beaux-arts, mais plutôt en enseignant des choses très pratiques, c'est-à-dire comment travailler le métal dans un atelier, comment travailler le bois, comment travailler le verre, comment travailler le tissu. Et c'est en apprenant ses qualités, ses habiletés techniques que certains vont développer, vont pouvoir rester artisans et d'autres seront vraiment des génies et seront des artistes aussi. Et donc, il va unir cette formation entre arts décoratifs et beaux-arts. Et ce sera une formation qui commence par un cours préliminaire de 6 mois et qui est donnée là par Gropius, en plus de s'entourer d'architectes, de créateurs, d'artistes, va faire venir de très grands pédagogues. Et je pense à des gens qui ont une vision tout à fait radicale, nouvelle, comme des gens comme Johannes Eaton, qui était un mystique, ou Gertrude Grunow, qui était elle aussi une musicienne, pédagogue, et qui vont amener des modèles très étonnants où ils font pratiquer aux étudiants, par exemple, tout ce qui pourrait encourager la création. Ils demandent à leurs étudiants de faire des exercices de respiration, des mouvements rythmiques, de la gymnastique. Certains ont même des diètes particulières. Et ils vont les faire dessiner. Par exemple, Iten a des exercices pour faire dessiner des étudiants à deux mains pour libérer la créativité. Donc, comment enseigner la création? C'est vraiment au cœur du projet Bauhaus. Donc, formation très complète, où on creuse un peu l'humain, ses capacités, où on touche à peu près à toutes les disciplines, mais de manière pas que théorique. Là. On met la main à la pâte, cette notion d'atelier. Puis, petit à petit, j'imagine, l'étudiant trouve sa voie. C'est un peu ça l'idée? Oui, alors, après le cours préliminaire, les étudiants étaient dirigés, en fonction de leurs habiletés, vers un des ateliers. Et là, ils avaient accès à l'atelier, bon, soit de métal, de bois, de tissu, de poterie, et faisaient une formation dans un atelier donc, technique. Mais même les ateliers techniques étaient enseignés en collaboration entre un maître de forme et un maître technique pour promouvoir l'innovation. Et le dernier atelier, bon, c'était l'architecture qui, elle, enseignait uniquement à partir de 1927. Et ça dure donc quelques années, cette formation-là. Un mot sur... vous en avez déjà nommé quelques-uns de ces grandes figures du Bauhaus. Il y en aura beaucoup. L'une d'elles, c'est Marcel Breuer. Hein. C'est l'une de ces figures majeures du Bauhaus et ses fameuses chaises, entre autres la chaise Vassili. On l'écoute justement parler du contexte qui va le mener à créer cette chaise-là dans une entrevue qu'il accorde en 1973. Et j'ai acheté une bicyclette et j'ai étudier la construction de bicyclettes que j'aimais beaucoup comme un produit industriel presque parfait parce qu'on n'a pas changé dans les dernières 50 années, on n'a pas changé la bicyclette fondamentalement. C'était, même les détails sont presque la même chose. C'était un produit fini. Et un jeune architecte me disait: est-ce que j'ai vu comment on fait ces cadres, cet squeleton de bicyclette? Et je disais non, je ne le connais pas. Il me disait, on les courbe comme macaroni. Alors on pourrait faire les meubles avec courbant des tubes et formé comme un meuble, spécialement des chaises ou des tables. Marcel Breuer, donc le père de cette fameuse chaise Vassili, puis il en dessinera tout plein d'autres chaises, c'est une des grandes figures du Bauhaus. Peut-être en nommer quelques-unes, les principales figures du Bauhaus. Ah bon, il y a Breuer, il y a Marianne Brandt, il y a Gunta Stolz qui a travaillé d'ailleurs avec Breuer, il y a Joseph et Annie Albers, il y a Moholy Nagy, il y a... Des gens autant en design qu'en architecture. Oui, absolument. Ouais. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens travaillent en collaboration. Hein, par exemple, la chaise de Breuer dont il parle, elle va s'appeler la chaise Kandinsky parce qu'il a été encouragé par Vassili Kandinsky à poursuivre ses expériences. Et le jeune homme qui lui dit utiliser des tubes comme les bicyclettes, eh bien, c'est Hans Meyer. Donc, c'est que des gens qui travaillent ensemble. Oui. Les femmes, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est la République de Weimar, mais elles ont une place, une grande place, c'est-à-dire une place particulière, mais à cette école-là du Bauhaus. Absolument. Donc, ce seront les premières qui seront admises. Alors, c'est la première école ouverte aux femmes. Et il va y en avoir, la première année, il y a même plus de candidats de femmes que de candidats hommes. Depuis, alors, ces femmes ont une place très importante. Il y en a qui sont assez célèbres, comme Marianne Brandt ou Gunta Stolz, mais il y en a plusieurs qui sont restées dans l'ombre. Elles étaient dès le départ. Alors, le Bauhaus a une place clé. En même temps, je dirais que ce n'était pas non plus un modèle parfait, c'est un projet inachevé, puisque dès le départ, en fait, après 2-3 ans, elles étaient en fait redirigées vers des ateliers qui étaient plutôt comme la céramique, le tissage, qui étaient des disciplines qu'on associait traditionnellement au milieu domestique. Et puis, ce qui a joué un peu contre elles aussi, c'est qu'il y a eu pas assez de recherches, pas assez d'études qui ont été faites sur leurs travaux, souvent parce qu'elles travaillaient en collaboration avec des grands maîtres du Bauhaus, oui. comme Gropius, Breuer, comme Joseph Albers, qui ont, eux, eu une très grande notoriété et le nom de leur collaboratrice a été effacé. Donc, place réelle, mais malgré tout un peu dans l'ombre des hommes qui étaient au Bauhaus. Un petit mot sur les traces Bauhaus, ici à Montréal, mais ailleurs dans le monde aussi. Comment mesurer cet héritage-là quand on se promène dans les rues de Montréal ou je ne sais pas quelles sont les grandes villes Bauhaus du monde, par exemple? Oui, alors bon, à Montréal, il y a plusieurs exemples. On pourrait nommer tous les gratte-ciels à mur rideau, puisque le mur rideau a été développé par Gropius et Miss Van Der Rohe. Donc, on a à Montréal le Westmount Square, un bâtiment de Miss Van Der Rohe, mais il y a plusieurs autres tours. L'héritage formel du Bauhaus, il est partout. Le Bauhaus va avoir différents maîtres. On le voit aussi dans les bâtiments brutalistes. Marcel Breuer est un grand architecte brutaliste. Donc, à Montréal, on a beaucoup de bâtiments brutalistes. Après, dans les grandes villes, on nomme souvent Tel Aviv. Mais je crois qu'au niveau, si on cherche le Bauhaus dans les formes, on peut vraiment, il est partout. Ouais, dans toutes les grandes villes, New York, Chicago, oui. Miss Van Der Rohe. Oui. Mais il faut suivre les créateurs, en fait, et ce qu'ils ont fait un peu partout dans le monde. Elle ferme en 1933, dans un contexte bien particulier, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Parlez-nous de ça en terminant cette émission, Christina Contandriopoulos. Oui, alors, avec l'arrivée d'Hitler, l'école sera fermée en 1933 et on l'associe à un art dégénéré. Ouais. Cela dit, je pense que c'est aussi la force de l'école du Bauhaus, c'est que c'est resté un projet inachevé. Et c'est en tant que tel qu'elle a eu une influence considérable parce que cette fermeture a participé à sa notoriété. On l'a associé à un mouvement qui résistait au totalitarisme. Bon, ses professeurs ont émigré, ont poursuivi leur enseignement, oui. mais c'est aussi un projet donc politique. Et je pense que comme projet inachevé, il faut aussi voir le Bauhaus non pas comme une réalisation qu'il faut copier, mais comme un modèle dans lequel il faut continuer à puiser pour aller chercher une source d'inspiration. Christina Contandriopoulos, c'est un plaisir de vous recevoir, spécialiste de l'histoire de l'architecture, professeure au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Merci infiniment. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur la nouvelle application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.